En 1054, des Chinois ont observé dans le ciel ce qu'ils appelaient une étoile invitée. Elle était apparue dans le ciel, elle est restée visible de longs mois et a disparu. Les astronomes modernes ont retracé l'événement. Il s'agit de l'explosion d'une étoile, une supernova, un phénomène rarement observé. La dernière observation d'une supernova date de 400 ans. Or, depuis quelque temps, Bétalgeuse, une étoile de la constellation d'Orion, a montré des signes laissant croire qu'elle pourrait offrir le spectacle d'une supernova. Alors, faisons le point avec Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Valérie. Alors, en fait, je dis, on va parler de Bételgeuse, mais avant, je crois que vous voulez souligner la disparition de Mario Bungue. Qui était-il? Mario Bungue, peu connu ici. C'est un peu comme un grand frère pour moi qui est parti. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais il était un maître à penser pour moi. C'est un des plus grands philosophes du 20e siècle, qui a œuvré au départ en Argentine, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'université McGill, donc où il était depuis 1966. Il est décédé le 25 février à l'âge de 100 ans, Ah ouais, 5 mois. un centenaire. Toujours bien actif, et il a joué un rôle extraordinaire en philosophie des sciences. Lui-même a été formé comme physicien, et je pense que c'était une excellente préparation. Il a commencé d'ailleurs à parler de philosophie de la physique. Donc, il a été un des grands noms de la physique, de l'épistémologie du point de vue scientifique, comment on connaît, comment la science fonctionne, en particulier via la physique. Et dans les dernières années, il a un peu transporté son regard vers les sciences humaines, devenu aussi philosophe des sciences humaines, philosophe de l'éducation. Malheureusement, son œuvre est très connue dans le monde anglophone, dans le monde espagnol. Son nom est allemand de par sa mère, mais lui-même était argentin, maintenant canadien. Moi, je l'ai lu en anglais, en français, et j'ai lu plusieurs de ses livres en espagnol, qui sont tous des petits bijoux. Oui. Et je voudrais souligner qu'il va y avoir des choses qui vont être publiées dans les prochains jours, probablement dans Le Devoir, sur son œuvre, sur son rôle dans la vie intellectuelle mondiale. Et je répète, peu connu ici, Oui, très effectivement. malheureusement, mais il y a un excellent petit livre sur lui, écrit en français et publié aux éditions Liber. Je crois que c'est 1994. L'auteur est Laurent Michel Vacher et ça s'appelle simplement Entretien avec Mario Bungue. Et Donc, donc, c'est vraiment un entretien? et entretien, Oui. c'est tellement bien Oui. fait. C'est de très bon niveau. C'est un petit livre, mais d'une densité, et tout s'avale très, très bien. Le sous-titre est Une philosophie pour l'âge de la science. Ah oui. Et c'est cette vision que je trouvais absolument extraordinaire. Moi, comme scientifique, c'était un philosophe Ouais. qui me plaisait, qui m'éclairait, qui m'a Bien. aidé à comprendre mieux l'histoire des sciences et même à mieux et à exécuter mes programmes de Ah oui. recherche Ah plus oui. efficacement, Parce absolument. que vous le citez dans votre livre sur la science qui surprend, éclaire et dérange, vous le citez, Mario Bungue. Donc, Absolument, de et je quelle le cite. manière il a marqué votre Oui, pensée? et encore plus, en fait, dans le livre que j'avais publié auparavant, c'était mon premier débordement hors du champ de l'astrophysique que j'avais publié en 1998, Les héritiers de Ah Prométhée. oui. Et ça, c'était vraiment expliquer comment la science fonctionne. Ça avait émergé d'un cours que j'avais donné aux futurs enseignants en sciences qui étaient inscrits au programme à l'Université Laval, des futurs maîtres des sciences. Et j'avais finalement tourné ça dans un livre. Et Bungue m'avait profondément inspiré. Et je parle beaucoup de Bungue. Je le classe parmi les grands philosophes des sciences. En tout cas, un philosophe que nous, les scientifiques, on aime bien parce que il est posé, il montre comment ça fonctionne, il nous permet d'aller de l'avant. Donc, il est extraordinaire. Et Les héritiers de Prométhée, il y a une deuxième édition qui est parue en 2017 aux presses de l'Université Laval. Mais J'en parle, mais je recommande encore plus le livre de Laurent-Michel Vacher, Par c'est la pensée. C'était juste pour voir à quel point il avait pu influencer ou guider votre pensée également. Et d'ailleurs, je voudrais souligner, on préparait plusieurs d'entre nous, moi j'ai été invité, un des rares scientifiques, mais des philosophes de toute la planète, on prépare un collectif consacré à l'œuvre de Bungay et qui publié à l'occasion de son 100e anniversaire. Donc, il nous a quittés avant que le produit final, mais il a vu plusieurs des articles dans leurs différentes formes et lui-même a contribué un article. Donc, il nous laisse d'une façon extraordinaire. Il a publié 80 livres, donc il faut le faire. Ben, je pense que ça valait le coup de rappeler ce nom. Donc, Mario Bungay, souvenez-vous de ce nom et ayez donc la curiosité d'aller voir de qui il s'agit. Venons-en maintenant à Bételgeuse. Donc, c'est un nom plutôt joli d'ailleurs, comme je le disais. On pourrait croire que c'est une personne. Alors, pourriez-vous nous présenter qui est Bételgeuse? Donc, oui, qui est Bételgeuse, si on peut en parler d'ailleurs. Après avoir parlé d'une étoile. Oui, passons d'une une autre étoile. Parlons d'une étoile qu'on pensait qu'il allait nous quitter, Bételgeuse, qui est une des étoiles des plus brillantes du ciel. Bételgeuse, je me souviens plus de la signification, j'aurais dû regarder, c'est un mot arabe, en fait. Comme j'ai vu, c'est la main d'Al-Jaouza, mais bon, qui possible. Est Al-Jaouza, je ne sais pas. Et c'est une étoile qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel, mais qui est une des belles étoiles de la constellation d'Orion, qu'on voit très bien de ce temps-ci dans le ciel. C'est celle, quand vous regardez le personnage d'Orion avec sa ceinture, les trois étoiles alignées. Mais c'est l'étoile plus rouge qui est en haut, qui forme un peu l'épaule droite d'Orion qui nous regarde. Donc, nous, c'est à gauche. Et cette étoile est une étoile super géante et qui est une catégorie d'étoiles très rare parce que leur durée de vie est relativement courte. Et en plus, elle appartient à une étoile qui sont des étoiles massives. Les étoiles qu'on classe comme étant 7 fois plus massives que le Soleil et dont le sort va les amener, comme vous nous l'avez rappelé, à exploser en supernova. Et d'ailleurs, je voudrais souligner le très beau livre de Laurent Dresson, mon collègue, qui a consacré un livre qui est paru récemment pour le grand public qui s'appelle « Des vagues dans l'espace-temps » et le sous-titre est « Splendeur des étoiles massives ». Donc, si vous voulez tout savoir et aller bien au-delà de ce qu'on va échanger ce soir, allez voir ce livre. On l'avait reçu d'ailleurs en entrevue en décembre, donc en fouillant dans les archives de notre page Facebook, vous allez retrouver l'entrevue sur ce livre-là. Donc, continuons avec Bételgeuse. Donc, ces étoiles massives qui sont... elles finissent en supernova pour toutes sortes de raisons, de processus qui se passent à l'intérieur d'étoiles. Donc, il y a deux choses que je voudrais faire remarquer. D'abord, elles sont très peu nombreuses, les étoiles massives. Même le Soleil lui-même représente que 10%, il fait partie des 10% des étoiles les plus massives. Okay? Ouais. Donc, 90% des étoiles sont moins massives que le Soleil. Ah oui. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont durer longtemps et elles vont avoir des vies moins mouvementées, entre autres que celles du Soleil, mais surtout que celles des étoiles très massives comme Bételgeuse. Mais c'est drôle parce qu'intuitivement, on se dirait, ben, une étoile massive, il y a beaucoup de carburant, ça va durer longtemps, mais c'est pas vrai. C'est un peu comme nous. Plus on en a, plus on carbure et on brûle vite. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Donc, la masse de Bételgeuse est de l'ordre de 10 fois celle du Soleil. Donc, et elle a un âge qui est de 8 millions d'années. Donc, c'est jeune, 8 millions d'années et le Soleil a 4 milliards d'années et nous, on carbure encore. On est la moitié de la durée de vie du Soleil à brûler tranquillement notre hydrogène. Ça, Bételgeuse a fini ça là, il y a probablement quelques centaines de milliers d'années. Donc, elle est passée même probablement la combustion du produit de l'hydrogène au centre qui est en train de fusionner. Elle a fait même la fusion de l'hélium en carbone. Et maintenant, le centre de Bételgeuse est en train de faire les éléments encore supérieurs comme l'argon, le néon et bien d'autres éléments. Donc, en particulier, des éléments importants pour nous comme l'oxygène. Donc, elle est dans cette phase-là et... ce qui se produit aussi, une étoile supergéante qui est dans cette phase finale, elle est instable. Tout ce qui se passe, là, la variation, les changements des sources d'énergie au centre entraînent des fluctuations dans ces couches extérieures qui font que l'étoile devient variable. Donc, l'étoile pulse. Donc, un rayon. Ah oui, ah oui, en rayon aussi, en dimension. Bah oui, c'est, ce qui, surtout qui est, c'est surtout ça qui est responsable de sa variation en luminosité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On savait que Betelgeuse était variable, qu'elle a des cycles qui se superposent. Le plus long est à peu près de 2300 jours, un autre de 400 jours et certains autres cycles aussi qui sont un peu moins importants. Okay. Mais finalement, ce qui se produit de temps en temps, ces cycles, leur maxima, leur minima se superposent. Ah oui, ils tombent au même moment. Ils tombent à peu près au même moment. Donc, l'étoile devient relativement brillante ou relativement peu lumineuse. Ouais. Donc là, on a connu vraiment un creux qu'on n'avait pas vu depuis le début du... Parce que là, en fait, si on peut revenir un petit peu à ce qui s'est passé, c'est, donc, c'est dans le dernier mois, là, peut-être, ou dans les deux derniers mois. On a vu sa luminosité décroître. Je me souviens très bien, en novembre, je sors chez moi, je regarde en haut, je dis, bon, Betelgeuse, c'est l'air bizarre. Il y a un nuage devant. À ce point-là, j'ai remarqué, moi, à l'œil, puis c'est pas très facile en ville de noter ces changements-là. Ouais. Donc, Betelgeuse a chuté au tiers de sa brillance. Fait qu'imaginez, vous voyez, si vous avez une ampoule, puis vous jouez avec le réostat, vous faites la descente au tiers, ça fait une sacrée différence. Ouais. Donc, qu'un machin comme ça, aussi colossal, dont la luminosité est à peu près 100 000 fois celle du soleil, tout d'un coup, en quelques semaines, elle diminue sa luminosité à peu près à 30 000 fois celle du soleil. Donc, les gens se sont énervés un peu parce qu'on est toujours, on attend, elle est sur la liste des prochaines des étoiles qui vont donner des supernovas dans notre galaxie et surtout dans l'environnement proche de nous parce que cette étoile, qui est une supergéante, elle est pas très loin. Pas très loin, quand même, 850 années-lumière, à peu près. Donc, c'est 850 ans. Donc, tout ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est produit il y a 850 ans. Mais pour nous, là, c'est maintenant. Mais donc, est-ce que c'est le trajet normal avant une supernova? On a effectivement une diminution de la luminosité. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et donc, on pouvait s'attendre à... Non, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Justement, parce qu'on ne sait pas. On s'est dit, ça y est peut-être. Quoique la plupart des gens... Les modèles ou on n'arrive pas à... Non, on n'arrive pas trop à savoir. Oui, en gros, mais jusqu'ici, et moi j'ai eu le privilège d'avoir été à l'Observatoire Gemini et d'avoir quelques fois, on a observé des supernovas dans d'autres galaxies relativement proches. Et dans quelques cas très rares, on a pu identifier le précurseur. Et il y a très peu, on a très peu de cas. Donc, et on n'a jamais... pu identifier le comportement préalable, quoi qu'il aurait fallu avoir beaucoup d'images successives de ces mêmes galaxies pour pouvoir prévoir le coup. Sauf qu'on a des bonnes cibles à l'heure actuelle en tant que galaxie pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on s'y attend parce que dans une galaxie comme la nôtre, on s'attend qu'il y ait une étoile explose en supernova à peu près une fois par 100 ans. Ah, et puis là, on n'en a pas eu depuis... 1572. C'est ça. Donc, on est... Comme on dit, on est dû. On est dû. On est sur la liste d'attente, entre guillemets. Et il y a des galaxies. Moi, il y en a une que je connais bien, qu'on a tellement bien observée, tant par les observateurs qui venaient utiliser le télescope Gemini qu'avec mes étudiants au télescope du Mont Mégantic. C'est une galaxie peut-être assez semblable à nous, qu'elle s'appelle NGC 6946. Là. C'est son numéro de téléphone. Et cette galaxie-là, semblable, depuis les débuts de 1900, elle a eu 10 supernovas. Ah oui? 10. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe, qui brasse la crème à glace dans ce coin-là, parce que pourquoi cette galaxie relativement semblable à l'autre a un taux de supernova aussi élevé et on voit rien de très spécial. Donc, et si on regarde à l'échelle de l'univers... Des supernovas, il y en a une toutes les secondes. Parce qu'on regarde des milliards de galaxies. L'échantillon est grand, là. L'échantillon est grand. Mais nous, dans le monde proche, Betelgeuse est vraiment, on peut dire, elle pourrait être... Bon, moi, je dirais que c'est improbable cette fin de semaine, mais ça pourrait arriver le mois prochain, l'an prochain ou dans 10 000 ans. Ce qui reste une période assez courte. Mais elle est vraiment due et... celle-là, parce qu'elle est tellement suivie que si elle explose en supernova, on va savoir qu'est-ce qui se passe avant qu'une étoile explose en supernova. Parce que là, en fait, on dit, bon, elle va peut-être pas exploser, mais est-ce que ça veut dire que sa luminosité a recommencé à augmenter? Oui, elle a recommencé depuis le 17 février. Ah. Donc, donc, ici, pourquoi le creux a été si profond? Parce que ça se superposait, les cycles. Oui, c'est ça, mais autre chose, c'est qu'on a remarqué que si visuellement l'étoile nous a paru faiblir jusqu'à 30 % de sa brillance maximale, dans le domaine infrarouge, rien. Rien n'a changé. Ouais. Et il y a eu des observations avec optique adaptative parce que c'est une des rares étoiles qui est tellement grande. Donc, si l'étoile était à la place du Soleil, là, elle déborderait l'orbite de Jupiter. Donc, c'est un monstre. Ouais. C'est une super géante. Elle porte bien son nom. Mm-hmm. Donc, et on a observé à partir d'un télescope de l'Observatoire européen de l'hémisphère avec une technique d'optique adaptative qui corrige la turbulence, on a observé un changement de forme en même temps. Mm-hmm. Et là, toutes les indications montrent que il y a eu éjection de poussière. Okay. Poussière microscopique, constituée surtout de graphite et de différents silicates, mais quand je dis microscopique, ce sont des particules qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Quand même assez dense, ça fait un nuage assez dense. Oui, justement, donc ça l'a bloqué la lumière. Ah, OK. Ça l'a finalement masqué, en partie la lumière visible. Donc, cette combinaison, probablement des cycles périodiques qui se sont en quelque sorte coordonnés, combinés avec cette émission de poussière, et probablement ce qui explique le caractère très faiblard qu'on a vécu là, pendant les quelques mois qui viennent. Mais là, elle semble remonter. Mais il y a toujours, j'ai parlé tantôt qu'il y avait un cycle de 400 jours. Donc, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer là, l'an prochain. Est-ce qu'elle est suivie vraiment de près par beaucoup? Elle est suivie. Okay. Il y a des gens qui... Il y a des télégrammes qui... Les astronomes ont un système de télégrammes, donc ils s'avertissent comme ça continuellement. Et il y a un astronome, entre autres, du nom de Villanova, qui la suit très, très bien. Et ils sont plusieurs. Okay. Parce que pour suivre Bételgeuse, on n'a pas besoin d'immenses télescopes, sauf que si on veut, par exemple, essayer de résoudre sa forme, d'établir sa forme. Donc, il faut une continuité des données, des images. Oui, c'est très beau. Puis je suis certain qu'il va y avoir quand même un certain nombre d'étudiants qui vont ces piles de données pour leur mémoire de maîtrise dans les quelques années qui viennent. Et aussi de continuer le suivi. Et si jamais elle explose en supernova, qu'est-ce qui devient après? Qu'est-ce que ça devient? On a une nébuleuse? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on sait pas mal ce qui va se passer. Surtout qu'on sait que comme je viens d'indiquer, la première chose, l'étoile a éjecté beaucoup de matière. Donc, il y a du matériel autour. Donc, l'étoile explose, il va y avoir une onde de choc. Là, ça va être un effet de chasse-neige qui va rentrer là-dedans, qui va chauffer cette poussière, qui va le faire. Donc, on va voir comme une coquille, comme un anneau. Ah ouais. On a un bel exemple qui est celui d'une supernova qui a explosé dans une petite galaxie proche, de grands nuages de Magellan, en 1985, et on la suit encore, l'évolution de cette enveloppe. Et il va y avoir aussi l'onde de choc qui, à 10 000 km par seconde, va en quelque sorte frapper tout le matériel qui a été éjecté, mais l'enveloppe de l'étoile elle-même va être propulsée, elle aussi, va suivre par en arrière, elle va être propulsée dans l'espace. Et en même temps, il va probablement avoir un flash de rayon ultraviolet, un flash de, on ne sait pas trop, rayon X, rayon gamma, possiblement. Et ça, nous, là, ça nous arriverait instantanément. Instantanément, dans le sens en même temps que le flash lumineux est observé. Et est-ce que ça aurait un effet? Tous les calculs qui ont été faits, c'est que ça prend une supernova qui est beaucoup plus proche, de l'ordre de 100 années-lumière, pour créer des problèmes de modification de notre atmosphère. Donc, à la distance où elle est, le flux qu'on recevrait, c'est à peu près 100 fois plus faible qu'une supernova dite dangereuse à 100 années-lumière au moins. Donc, si elle sautait en supernova, là, elle deviendrait visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Elle aurait la brillance apparente de quelquefois la pleine lune, sauf qu'on la verrait comme un C'est ce qui est décrit pour la supernova de 1054 par les Chinois, justement, une lune en plein jour. Exactement, oui. Ouais. Mais en brillance. Ouais. Mais on voit pas une surface étendue. Là, Mais, et aussi, l'autre chose qu'il faudrait prévoir, c'est que dans quelques dizaines de milliers d'années, on recevrait l'onde de choc. Mm-hmm. On penserait donc à un sursaut de rayons cosmiques qui sont des particules de haute énergie. Donc, on aurait un effet assez particulier, probablement avec des aurores boréales assez spectaculaires. Oui, je me demandais, oui. Mais c'est pas le cas, en tout cas, c'est pas pour cette fois-ci, pour Bételgeuse, qui nous donne un petit peu une espèce de mise en scène pour nous préparer à observer une telle étoile. D'ailleurs, si l'étoile explosait en supernova, ça serait observé par des petits télescopes. Les gros seraient probablement pas équipés pour observer un objet aussi brillant qui saturerait à peu près tous les détecteurs qu'on peut imaginer. Moi, j'ai pensé peut-être que certains télescopes pour observer le Soleil pourraient être utilisés pour observer une supernova proche. Ben ouais. Mais j'imagine que ça apporterait beaucoup d'informations pour mieux comprendre les modèles d'évolution des étoiles, de la vie des étoiles, finalement. Deux choses. Je pense d'abord, on pourrait voir un peu mieux le type de débris qui viennent non seulement des couches de surface de l'étoile, parce qu'on connaît bien, mais de l'intérieur de l'étoile. Ouais. J'ai parlé au début, là, c'est la fournaise thermonucléaire qui fabrique les éléments et tout. Donc là, on verrait un bon échantillonnage d'une étoile de plus de 10 fois la masse du Soleil, ce qu'elle nous fournit. L'autre chose, probablement, qu'on souhaiterait voir, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste du centre? Parce qu'on... On a des idées que c'est un phénomène d'implosion associé à une explosion. Donc, le cœur central s'effondre sur lui-même pour former possiblement un trou noir ou une version plus petite, moins massive, qu'on appelle une étoile à neutrons. Mm-hmm. Mais donc, comment les détecter? Là, on pourrait avoir des idées de ce qui se passe en examinant le vestige. Ce ne serait pas immédiatement visible, ça prendrait des années après. Mais on aurait quelque chose, on serait bien préparé. Donc, c'est comme une petite alerte qui nous est donnée. Et ce qui est bon, c'est que l'étoile était très bien suivie. Ouais. Et si dans 2000 ans, s'il y a encore des astronomes, ils ont eu un bon bagage d'observations qui ont été accumulées pendant toute cette période. Ah, puis on ne sait pas ce que ça peut donner dans 400 mois, dans 400 jours. Mais il est improbable qu'elle nous fasse une telle surprise comme celle-là, mais moi, j'aimerais ça me tromper. En tout cas, Bételgeuse n'a peut-être pas fini de faire parler d'elle. Merci beaucoup, Jean-René, de nous l'avoir présentée. Et je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval.